Bonjour et bienvenue à La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Mon nom est Mathieu Plante et aujourd'hui, tellement de choses à faire comme à chaque semaine. Au retour, on commence les nouvelles, mais avant, en musique, voici Malajube, la monogamie à CFM 89.fm. Thank you. Ajub et la pièce La Monogamie de leur nouvel album, Trompe-l'œil. À CNX, on parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo à CIFU 89.1 FM. Mon nom est Mathieu Plante et maintenant, c'est l'heure de la première partie du fil de nouvelles. On commence cette semaine par Microsoft qui annonce 8 poursuites judiciaires contre des individus qui utilisaient le site de vente aux enchères pour proposer des logiciels piratés, des gens sur eBay. Les logiciels vendus à un prix si bas qu'ils défient toute concurrence ne sont apparemment pas aussi rares qu'on serait tenté de le croire. En 2005, Microsoft affirme avoir mis hors ligne près de 50 000 pages proposant la vente aux enchères de contrefaçons de logiciels. C'est grâce à son système d'authentification de la validité de Windows, le Windows Genuine Advantage, que Microsoft aurait pu retracer 7 des 8 vendeurs poursuivis en justice, tandis que le dernier aurait été dénoncé par le biais de la ligne téléphonique sans frais dédiée à la lutte contre le piratage, donc des stools. Dans son communiqué, Microsoft donne la liste des 8 revendeurs suspectés d'avoir écoulé des logiciels piratés sur eBay.com, principalement des versions de Windows XP et de la suite bureautique Office. Maintenant, du côté de AOL, ce mercredi dernier, AOL et Warner Brothers ont inauguré officiellement Into TV, un portail vidéo qui propose gratuitement des milliers de classiques de télévision et de courts films aux internautes américains. Présenté par AOL comme le premier vrai service de télévision pour haut débit, Into TV offre son contenu vidéo dans plusieurs chaînes, c'est-à-dire comédie, dessins animés, science-fiction et horreur, action et aventure, et un canal qui s'appelle Vintage TV. Into TV, une section du portail de AOL.com, propose donc des épisodes de vieilles séries télévisées, entre autres Babylon 5, La Femme Nikita, Lois and Clark, Steven Spielberg Presents Freakazoid et V. Selon le communiqué d'AOL, ce service serait financé par l'inclusion de messages publicitaires dont la durée totale ne devrait pas excéder 2 minutes par tranche de 30 minutes d'émission, contre 8 minutes dans le cas de la télévision conventionnelle. AOL précise que la licence de ce service n'est pour l'instant valide qu'aux États-Unis. Évidemment, c'est toujours eux qui les ont en premier. Sony a annoncé mercredi aussi que sa très attendue console PlayStation 3 sortira pas au printemps comme il était initialement prévu, mais plutôt en novembre prochain, à cause de retard dans le développement du lecteur optique servant à lire les disques haute définition. Le nouveau calendrier allait permettre de sortir simultanément la console au Japon, en Europe et en Amérique du Nord, tout juste avant le temps des fêtes. La concurrence sera par contre féroce puisque Nintendo compte aussi sortir sa nouvelle console, la Revolution, vers le mois de novembre et que la nouvelle console de Microsoft, la Xbox 360, est déjà disponible depuis novembre 2005. À cause de ce retard dans la sortie de la PlayStation 3, l'action Sony a perdu 1,8% de sa valeur lors de la clôture de la bourse de Tokyo mercredi. Et depuis la sortie de la première PlayStation et de la PlayStation 2, 204 millions de consoles ont été vendues, permettant à Sony de détenir près de 60% de ce marché très lucratif qui est le jeu vidéo. L'industrie du cinéma et des associations de propriétaires de cinéma ont lancé un site web visant à former les employés contre le piratage de films en salle à l'aide d'un caméscope. Le programme est appuyé par des récompenses qui peuvent aller jusqu'à 500$ pour ceux qui surprennent un pirate en flagrant délit. Pour sensibiliser les employés de cinéma à ce problème et leur donner des outils pour le combattre, l'industrie du cinéma a lancé fightfilmtheft.org, un site qui a des ambitions mondiales mais qui n'est actuellement offert qu'aux États-Unis et au Canada. Ce site présente des sections qui décrivent en détail le piratage par caméscope, les manières de le débusquer et la façon de réagir lorsqu'un pirate est surpris en flagrant délit. Pour faciliter la tâche des employés, une page garnie de photos illustre en quelques exemples des dispositifs de piratage déjà saisis par les services policiers. En parcourant la version française de la section canadienne de fightfilmtheft.org, les employés vont apprendre qu'il faut se méfier des spectateurs qui arrivent en manteau dans une salle de cinéma l'été, qu'il faut porter attention aux lumières qui clignotent dans l'obscurité, qu'il faut être suspect de s'asseoir en groupe, qu'il faut peut-être faire attention aux gens qui s'assoient en groupe dans le centre d'une salle et qu'il faut être vigilant face aux clients qui réservent une salle complète pour projection privée lors de la sortie de nouveaux gros titres. Ces comportements sont encore plus louches s'ils se produisent le jour de sorties de films à gros budget ou lors des représentations de matinée ou de fin de soirée, c'est ce que précise le site web. Des firmes de sécurité informatique annoncent la découverte d'un nouveau cheval de Troie qui compresse des fichiers sur le disque dur qui l'infecte et qui demande ensuite une rançon à la victime pour qu'elle puisse retrouver l'accès à ses données. Lorsqu'il est activé sur un PC vulnérable, le cheval de Troie Crisip compresse avec un mot de passe de nombreux formats de fichiers trouvés sur le disque dur local, notamment des documents de la suite bureautique Office, des PDF, des JPEG, des ZIP et des RAR. Lorsque l'utilisateur tente ensuite d'ouvrir un des fichiers compressés, on lui demande de saisir un mot de passe qu'il ne connaît évidemment pas, mais un fichier laissé dans les dossiers qui contiennent des éléments rendus inaccessibles fournit des instructions à la victime, c'est-à-dire payer une rançon de $300 pour retrouver l'accès aux données. Cryzip n'est pas le premier cheval de Troie qui emploie une stratégie de ce type, mais selon l'UHRUKOCHU, il se distinguerait notamment par le fait qu'il utilise une librairie zip commerciale pour comprimer des fichiers. D'après la description de Symantec, Cryzip serait heureusement peu répandu sur Internet. Une chance. Malgré la toute nouvelle liste publiée cette semaine des milliardaires du magazine économique Forbes, Steve Jobs, le président d'Apple, continue d'avoir un salaire annuel d'$1 américain par année, selon ce qu'indique le magazine CNET News. La liste de Forbes place encore une fois cette année, c'est la 12e année de suite, Bill Gates comme l'homme le plus riche de la planète, avec une fortune personnelle évaluée à $50 milliards américains. Et dans le monde de l'informatique et des technologies, il est suivi par Paul Allen, qui est le cofondateur de Microsoft, qui est au 6e rang, avec une fortune de $22 milliards US. Michael Dell de Dell est au 12e rang. Stephen Ballmer, le directeur principal de Microsoft, est au 24e rang. Et les deux fondateurs de Google, Sergey Brin et Larry Page, sont en 26e et 27e place. Pourtant, malgré le succès retentissant du iPod, le président d'Apple persiste et signe en ne ramenant qu'un salaire symbolique d'$1 par année. Steve Jobs veut maximiser les revenus de sa compagnie qui a connu d'énormes problèmes financiers il y a environ 10 ans. Steve Jobs détient toutefois de nombreuses actions dans sa compagnie, des actions qui sont en progression constante sur les marchés financiers, donc faut pas avoir peur pour lui. Il est quand même très très riche. Les principaux cadres d'Apple ont quant à eux un salaire moyen tournant aux environs de $500 000 américains. Et comme c'est pas beaucoup selon les standards du marché pour une compagnie comme Apple, l'entreprise a instauré un système de bonus de fin d'année pour éviter de perdre ses employés auprès des concurrents. Ainsi, la plupart de ses cadres ont reçu en 2005 un bonus équivalent sensiblement à leur salaire, soit près de un demi-million de dollars américains. Donc, ça fait beaucoup d'argent. Si vous voulez en savoir plus sur les gens les plus riches du monde, il faut aller voir l'article sur le cnx.cfou.ca. Le cnx.cfou.ca. Yahoo Canada annonce que Yahoo 360, ça c'est plus en bref, le Yahoo 360, c'est la plateforme de blog, a été lancée au Canada cette semaine. Ça fait des années que ça existe aux États-Unis, en tout cas très longtemps, je sais pas combien de temps exactement, mais bon. Donc ils viennent de le sortir au Canada, ils sont très très fiers, ils disent que ça va changer la façon, ça dit qu'ils cherchent une façon simplifiée et d'unifier leur communication. Les Canadiens cherchent une façon de simplifier et d'unifier leur communication, leur contenu et leur communauté, selon le gérant de Yahoo 360 Canada. Et donc évidemment, il ajoute que c'est... ce produit-là va combler ce besoin. Google a lancé un système en ligne offrant l'exploration de la surface de la planète Mars dans l'interface bien connue de ses services terrestres de recherche locale et de photos satellites, c'est-à-dire Google Earth. Élaboré en collaboration avec des chercheurs de la NASA, le nouveau service Google Mars permet d'explorer la surface de la planète rouge selon trois modalités. Relief, selon un code de fausse couleur, lumière visible et infrarouge. Chacun de ces trois types d'images provient de différents appareils hébergés à bord de sondes martiennes. C'est le Google Mars. Allez voir mars.google.com. Et Google se lance dans le traitement de texte. Donc, Google vient de mettre la main sur une compagnie de la Silicon Valley. Je prononce donc bien mal. De la Silicon Valley. Plus particulièrement, son interface web permettant aux internautes de vaquer à des tâches de bureau en ligne. Donc, évidemment, tentative de concurrencer Word de Microsoft. La nouvelle a d'abord été annoncée sur le blog de la cofondatrice de Writely.com, site web qui appartient à la maison Upstartle et sur lequel se retrouve le logiciel de traitement texte en question, que j'ai d'ailleurs essayé et qui va très très bien. Pas le genre de truc dont j'ai besoin régulièrement, mais un traitement texte en ligne qui sauvegarde vos textes en ligne et que d'autres gens peuvent participer. Vous pouvez collaborer avec vos amis à écrire des romans, si vous voulez. T'sais. Comme ça, la personne pourrait, par exemple, surligner des passages qu'elle trouve plates ou peut-être ajouter des parties intéressantes à votre texte et ça se sauvegarde et c'est magnifique. Le logiciel Writely n'est pour l'instant qu'en version bêta. Les gens qui voudraient s'en servir doivent s'inscrire sur une liste d'attente. Parmi certaines particularités de Writely, c'est la fonction de sauvegarder en PDF qui devrait faire partie de sa mouture premium, donc une version payante qui va sortir plus tard. Le traitement de texte en ligne peut également supporter les documents sauvegardés en Open Document, de même que les fichiers créés grâce à OpenOffice, qui est une rivale de Microsoft. Et Microsoft rappelle que le nombre d'utilisateurs de sa suite Office s'élève à plus de 400 millions. On s'en fout. Mais tout ça pour dire que vous pouvez aller sur Writely.com, Writely.com, vous inscrire à la liste d'attente et peut-être l'essayer plus tard. Moi, je trouve que c'est un bon service et Google a fait un bon choix dans son acquisition. Le gouvernement chinois passe à l'offensive contre les fabricants de produits piratés en créant une cour spéciale où les poursuivre. La Chine est reconnue mondialement comme étant le pays où sévissent le plus d'activités illégales reliées aux contrefaçons de produits, notamment la copie de musique et de DVD. C'est pourquoi la Cour suprême du pays a décidé d'instituer la Cour judiciaire sur la propriété intellectuelle qui se penchera exclusivement sur les cas reliés au piratage de produits, et ce, à l'échelle nationale. C'est ce qu'a annoncé le juge lors d'une conférence de presse tenue pendant l'Assemblée annuelle du Parlement. Parmi les armes dont cette course est prémunie figure un site web, houhou, qui rendra compte de tous les cas de piratage qui seront entendus lors de ces audiences. Une stratégie qui, en jouant sur la crainte d'une potentielle humiliation publique, pourrait dissuader plusieurs contrevenants. L'an dernier, les différentes cours chinoises ont condamné 741 malfaiteurs ayant pris part à 500 actes criminels rattachés au piratage de produits. 16 453 causes civiles reliées à ces violations de droits d'auteur ont été entendues en 2005, une hausse de 20% par rapport à l'année précédente. Un juge de la Cour suprême qui s'occupe de pareils cas, exhorte les compagnies étrangères établies en Chine à collaborer avec la nouvelle Cour. Et selon les agents américains, les pertes de ventes potentielles découlant de cette industrie frauduleuse s'élèveraient à environ 50 milliards de dollars US, seulement à l'échelle mondiale. Ben, c'est dur d'être plus qu'à l'échelle mondiale. Hein, le navigateur web Firefox 2.0, qui devrait sortir à la fin de 2006, contiendra un outil pour protéger les utilisateurs de l'hameçonnage fait sur certains sites web frauduleux. C'est un outil de protection contre le phishing. Le phishing, c'est quand des pages web se font passer pour des sites connus, par exemple eBay ou PayPal ou Desjardins.com, mais qui, dans le fond, c'est pas une page web de ça du tout. Ça fait juste ressembler à ça et essaie de vous extorquer de votre numéro de carte de crédit ou de votre numéro d'assurance sociale. Cet outil de protection contre l'hameçonnage a été réalisé avec l'aide de Google. Et c'est ce qu'a dit Mike Shaver de chez Mozilla lors d'une entrevue avec CNET News. Cet outil de Firefox ne serait pas le premier de la sorte, puisqu'Internet Explorer 7 va aussi contenir un bouclier contre l'hameçonnage. Donc la guerre continue entre Firefox 2.0, qui est un furteur alternatif, et Internet Explorer, qui est le furteur le plus utilisé dans le monde. Au retour, on parle de jeux vidéo. Avant, on continue en musique, mais aussi, j'oubliais quelque chose comme ça. Potentiellement, si vous voulez nous contacter en studio, ben me contacter parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez vu, je suis seul. C'est le 819-376-5183 ou le 819-376-5183. Vous pouvez aussi visiter notre site web où tous les MP3 de la semaine et des semaines précédentes sont disponibles, archivés, toujours perpétuellement. Si c'est un mot, au cnx.cifu.ca, le cifu.ca, cliquez sur la connexion en bas à droite. Et parlant de cifu.ca, vous pouvez nous écouter en direct, en ligne, via ce qu'on appelle notre stream, c'est-à-dire la diffusion en direct, connectée, branchée, cool et super gigatop. Donc, cifu.ca, cliquez sur le bouton jaune en haut à droite. Il y a d'autres façons aussi de nous écouter. Vous pouvez nous écouter sur le câble. Hein, 99.2 ou 90, en tout cas, mes chiffres sont bizarres, je vous les dirai tantôt. Et puis, c'est sur Cogeco et sur Vidéotron. Et aussi, vous pouvez, vous pouvez aussi écouter notre MP3 en streamant sans avoir à le télécharger. C'est aussi sur le cnx.cif.ca. Donc, dans le fond, il y a comme 4 ou 5 différentes façons de nous écouter. Si vous ne nous écoutez pas, vous êtes en retard un petit peu dans le monde. Vous écoutez l'émission qui comprend tout avant vous. La connexion, on s'en va en musique. Voici tout de suite Antoine Graton avec la pièce « Je veux m'en aller ». Pièce qui, je crois, n'a peut-être jamais été diffusée ici à C'est Fou, mais que j'ai écouté l'album au complet, que je trouve très bonne. Voici donc Antoine Graton, « Je veux m'en aller » de l'album « Était une fois dans l'Est » à C'est Fou 89.1 FM. J'ai passé toute la soirée à attendre quelque chose qui aurait pu, mais personne n'est plus sûr de rien. C'est toujours des peut-être ou des « Oh ben je sais plus, j'en veux plus. » Je veux m'en aller en voyage et jamais revenir. Oh, oh. Je veux m'en aller en voyage et tout reconstruire. Oh, oh. Si vous essayez de me suivre, c'est que vous n'aurez pas compris. Tout ce que je veux, c'est vivre, vivre ma vie. J'ai passé ma vie à faire mes valises, mais je suis jamais parti. J'ai passé ma vie à apprendre la langue, mais j'ai jamais rien dit. Comme un entraînement des plus sévères, comme un guerrier qui se prépare pour la guerre qui a jamais lieu, qui a jamais lieu. Je veux m'en aller en voyage et jamais revenir. Oh. Je veux m'en aller en voyage et tout reconstruire. Oh, si vous essayez de me suivre, c'est que vous aurez pas compris. Tout ce que je veux, c'est vivre, vivre ma vie. Que je rencontre s'emmerde, ça meurt à faire quelque chose. Mais quand t'as plus rien à perdre, y'a plus rien qui te repose. Si vous essayez de me suivre, c'est que vous n'aurez pas compris. Tout ce que je veux, c'est vivre, vivre ma vie. Antoine Graton avec l'excellente pièce « Je veux m'en aller » de l'album « Il était une fois dans l'Est » à CFOU 89.1 FM. Vous écoutez CNX, on parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Et juste avant d'aller en publicité et de revenir avec les nouvelles de jeux vidéo, je vais d'abord mentionner que les postes, les chaînes sur le câble 92.9 sur Cogeco et 99.7 sur Vidéotron et Décibel, je tenais à le mentionner. Mais avant d'aller en pause, pour vrai, on fait le top 5 des jeux les plus loués en date du 12 mars 2006. Voici la cinquième position, Fight Night Round 3 sur Xbox. En quatrième, Fight Night Round 3 sur Xbox 360. En troisième, Fight Night Round 3 sur PlayStation 2. En deuxième, Black sur Xbox. Et en première, Black sur PlayStation 2. En passant, la version Xbox de Fight Night est rendue en... est toujours là en cinquième, c'est vrai. En sixième, c'est Toka Race Driver 3. J'allais les confondre. Que de suite, que de péripéties ici à CNX. Donc, mon nom est Mathieu Plante. On revient avec les nouvelles informatiques, mais pour l'instant, on s'en va en publicité. On essaie de vous faire des petites affaires dans votre dos. Écoutez la connexion à CFOU 89.1 FM. Bon retour à la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Mon nom est Mathieu Plante, avec vous encore pour une bonne heure et demie au moins. Au moins, on continue avec le fil. Oui, le fil de jeux vidéo cette semaine, les nouvelles qui ont retenu l'attention des blogs et des gens qui aiment les jeux vidéo. Donc, tantôt, j'ai parlé de PlayStation un petit peu et je me suis rendu compte que j'ai oublié de mentionner que, en fin de compte, ça avait été révélé que la date de lancement, c'était le 11 novembre. 11 novembre, c'est la date choisie du lancement mondial, que ce soit au Japon, en Amérique du Nord et en Europe. Un lancement mondial peut sembler douteux comme décision, surtout après le succès mitigé de Microsoft avec la Xbox 360, mais Sony veut éviter de faire la même erreur et elle promet qu'un million de nouvelles consoles arriveront sur les tablettes à chaque mois, de façon à ce que 6 millions de consoles soient sur le marché en 2007. La PlayStation 3 fonctionnera aussi avec un disque dur de 60 gigs et utilisera le système d'exploitation Linux au lieu de Windows, c'est des faits qu'on a ici. En 2003, Immersion Corporation déposait des poursuites contre Sony et Microsoft pour avoir ni plus ni moins volé sa technologie qui consistait à faire vibrer des manettes de façon synchronisée avec l'action à l'écran. Microsoft avait alors rapidement réglé hors cours et elle a maintenant une licence officielle pour utiliser la technologie. Mais de son côté, Sony avait décidé de continuer le combat juridique, mais elle a perdu et un juge lui a ordonné de payer plus de 90 millions de dollars en dommages à Immersion. Pire encore, Sony devait arrêter de vendre la PlayStation et la PlayStation 2, de même que tous les jeux utilisant la technologie de Force Feedback. Et évidemment, on sait que ça n'a pas exactement fonctionné. Évidemment, Sony a rapidement fait appel à la décision, ce qui lui a permis de continuer de vendre ses produits, tout en payant la licence d'Immersion. Puis, la semaine dernière, de retour devant la cour, Sony a tenté de convaincre la juge Claudia Wilken qu'Immersion avait caché des détails à propos de sa technologie et que, par conséquent, ça rendait la propriété intellectuelle d'Immersion invalide. Un argument que la juge a rejeté selon le Wall Street Journal, notamment parce qu'un expert engagé par Sony pour témoigner aurait été payé 150 000 $. La guerre juridique n'est toutefois pas encore terminée. Sony fera maintenant appel à la US Courts of Appeal, la cour d'appel américaine. Si la cause est encore rejetée, Sony sera légalement obligée de payer les 90,7 millions de $ à Immersion et elle devra décider si elle veut obtenir une licence de Immersion. L'alternative est simple, donc trouver un remplacement pour la manette DualShock, peut-être changer de technologie. qui serait, je crois, un meilleur choix que de dépenser 90,7 millions de dollars, à moins que ça coûte moins cher que ça pour faire une nouvelle manette, ou que ça coûte plus cher. Là, dans ce cas-là, ça peut être mieux payer 90 millions. Mais je sais pas ce que Sony va faire. On va vous tenir au courant, comme toujours, parce qu'à CNX, c'est ce qu'on fait. Ou au moins, on essaye. Cette fin de semaine dernière, Nintendo a ni plus ni moins relancé une seconde fois la Nintendo DS Lite au Japon. Oui, bon, la DS Lite, c'est la nouvelle version de la Nintendo DS, celle qui est plus petite, blanche, qui ressemble un petit peu à un produit de Apple, etc., etc., avec les écrans beaucoup plus brillants. Et ça a été lancé au Japon il y a quelques semaines. Et là, maintenant, ils ont fait une deuxième vague. Parce que après la première vague, pendant la première vague, ils se sont rendus compte qu'ils ne pourraient pas envoyer la version bleue, la version noire à temps. Donc, ils ont envoyé seulement la version blanche. Donc, cette fois-ci, les modèles Ice Blue et Enamel Navy étaient aussi disponibles en plus du Crystal White et les joueurs étaient encore au rendez-vous. En fait, ils étaient encore plus nombreux, imaginez, pour la deuxième phase de lancement, c'est selon des sources japonaises. À plusieurs endroits, des milliers de personnes ont fait la file pour mettre la main sur la console portable. Selon plusieurs, ce lancement serait encore plus impressionnant que la sortie de la PlayStation 2 au Japon. Et évidemment, à peu près partout, les détaillants ont été obligés de refuser des joueurs ayant vendu toutes les consoles à leur disposition. Nintendo devrait fournir des consoles assez régulièrement, mais la demande risque d'être forte pendant plusieurs semaines encore. Reste à voir si le succès phénoménal aura un impact sur le lancement nord-américain du DS Lite. J'ai des forts, forts doutes parce qu'aux États-Unis, les lancements de consoles Game Boy, surtout quand c'est un deuxième ou dans ce cas-ci un troisième, non, ça c'est un deuxième Game Boy, ce serait en tout cas. Donc un deuxième modèle, ça laisse à désirer côté américain. Non, je pensais au Game Boy parce que bon, ils ont sorti le Game Boy Advance original, ensuite le Game Boy Advance SP, ensuite le Game Boy Micro. Ça fait beaucoup de lancements et le Micro aux États-Unis, je suis pas sûr que ça pogne tant que ça. La firme DFC Intelligence a dévoilé un rapport qui indique que le jeu en ligne a connu une forte progression en 2005. En effet, les revenus de ce genre de produit auraient atteint 2 milliards en 2005, une hausse de 43% par rapport à l'année précédente. DFC pointe directement World of Warcraft comme grand responsable. Même si le marché américain a beaucoup grandi grâce à World of Warcraft, l'Asie demeure l'endroit où les jeux en ligne sont le plus populaires. Plus de 50% des revenus viennent des pays asiatiques à l'extérieur du Japon, surtout la Corée du Sud, la Chine et Taïwan. La compagnie coréenne NCSoft est aussi une grande gagnante de ce boom, notamment grâce à City of Heroes et Guild Wars. Si pour l'instant le jeu en ligne se concentre surtout sur PC, DFC prévoit que 29% des revenus du jeu en ligne viendront des consoles en 2006. La tendance serait donc là pour rester. Shigeru Miyamoto, fameux créateur de Mario, Zelda et compagnie, Michel Ancel, connu pour avoir créé Rayman et Beyond Good and Evil, et Frederick Reynal, qui a créé Alone in the Dark, se mériteront tous les insignes de Chevalier des Arts. Mais en fait, c'est déjà fait. C'est la première fois que des créateurs de jeux se méritent cet honneur. Donc, environ 2000 personnes par année se font sacrer Chevalier de l'Ordre des Arts et Lettres par le ministre de la Culture de la France. Cela ne leur donnera pas de qualificatif comme la chevalerie anglaise, donc ils ne deviendront pas Sir Shigeru Miyamoto. Mais bon, quand même, c'est finalement une reconnaissance des jeux vidéo comme un art de la part de la France. Mais en même temps, je sais pas si ça les dérange vraiment vu que c'est français quand même. La gamme de jeux Player's Choice existe depuis longtemps maintenant. On sait, c'est des jeux qui sont à succès et puis bon, ils reçoivent un prix plus petit parce qu'ils sont populaires. C'était jusqu'à maintenant, ça avait jamais réussi à s'étendre jusqu'à Game Boy Advance. Ça s'était étendu jusqu'au Game Boy original, Game Boy Color, etc. Mais pas au Game Boy Advance. Donc cette semaine, ça a changé puisque la compagnie Nintendo a dévoilé les trois premiers titres Game Boy Advance qui vont devenir des Player's Choice. Il s'agit de trois titres qui mettent en vedette la vedette Mario. C'est-à-dire Super Mario Advance, Super Mario Bros. 2, donc Mario Bros. 2, Mario & Luigi Superstar Saga et Yoshi's Island Super Mario Advance 3, donc c'est-à-dire Yoshi's Island. Dès le 2 avril, il sera possible de mettre la main sur ces titres pour seulement 20 US. Donc une bonne chance de se rattraper pour ceux qui, pas comme moi, parce que moi je me les ai fait voler, mais ceux qui n'ont pas encore acheté ces jeux-là, pour 20 ça vaut vraiment la peine. Très très bon jeu, surtout Yoshi's Island. Magnifique. Ça me surprend que Mario World soit pas là-dedans parce que je l'aurais acheté lui aussi. Le site officiel du Nintendo Wi-Fi nous annonce qu'il y a maintenant plus d'un million d'utilisateurs et environ 27 millions de connexions pour le réseau en ligne de Nintendo et que le chiffre continue de grimper. C'est un réel succès de la part de Nintendo étant donné que seulement 3 jeux jusqu'à maintenant exploitent la connexion Wi-Fi à ce jour. Compte tenu le succès du service, on peut également s'attendre à plusieurs jeux en ligne dans le futur de la part des développeurs. Mais dans le futur plus rapproché, on peut s'attendre à Metroid Prime Hunter, Lost Magic et Tetris DS qui vont tous être disponibles sur Wi-Fi, le réseau en ligne de Nintendo. Xbox Canada a annoncé le lancement d'un programme qui s'appelle Celebrity Faces qui pourrait bien décorer votre Xbox 360 tout en récoltant des fonds pour une œuvre de charité. En effet, Xbox Canada s'est associé avec plusieurs vedettes afin de récolter des fonds qui iront directement au Children's Miracle Network, un organisme à but non lucratif visant à améliorer la vie des enfants en milieu hospitalier. 18 vedettes ont accepté de participer à ce programme, dont le groupe Our Lady Peace, Marc-André Grondin du film Crazy et Martin Brodeur. Afin de récolter des fonds, un couvercle pour Xbox 360 affichant le visage de chaque vedette sera mis aux enchères sur eBay afin que des personnes à travers le monde puissent soumettre un prix, et ce du 17 au 27 mars. Donc ça commence demain si vous écoutez en direct les jeudis. Donc la liste de toutes les vedettes sont sur le cnx.ca dans l'article qui s'appelle « Un couvert de votre célébrité préférée pour Xbox 360 ». Je vois entre autres Ed Robertson des Bare Naked Ladies, Kaylin Porter de Canadian Idol, le groupe Simple Plan, Yellow Card qui est sur notre palmarès, ça c'est fou. À la télé, on parle de Marc-André Grondin, et au cinéma aussi, des personnalités qu'on connaît pas au Québec. Et c'est pas mal ça. Il y a Mark Echo du jeu Mark Echo's Getting Up Contents Under Pressure qui est aussi là-dedans. Et si vous désirez donc encore une fois bider là-dessus, comme on dit au Québec, bidez-moi ça. C'est xbox.com/faces, face au pluriel, ou cnx.ca. Les liens sont toujours là. D'ailleurs, nouveauté sur le cnx.ca, trois fois plutôt qu'une. Vous pouvez maintenant m'espionner en train de mettre en signet des articles pour la prochaine émission. Donc, c'est sur Delicious, DEL.ICIO.US/mplante. Mais le lien est sur le cnx.ca. Vous pouvez me voir en train de choisir les articles pour la prochaine émission. C'est pas merveilleux. Ça aurait pu être mieux dit que ça de ma part, mais quand même, c'est le cas. Vous pouvez m'espionner, c'est le fun. Hein? Non? OK. Et la PSP va baisser de prix. Grosse coup cette semaine, c'est décidément la journée des annonces pour Sony, parce que le même jour qu'ils ont annoncé la sortie de la PlayStation 3, la date de sortie de la PlayStation 3, donc dans la conférence du 15 mars, on a annoncé que le package de base de la PlayStation Portable, qui comprend la console, un adaptateur et une batterie, serait vendu à partir du 22 mars au prix de $199 US ou $229 canadiens. De plus, une caméra USB sera bientôt disponible, ainsi qu'un module de réception GPS. La petite caméra sera vendue via une version PSP de iToy Play, qui va être en septembre prochain, et le GPS sera utilisable dans les jeux, dans plusieurs jeux. Ainsi, Sony Computer Entertainment prépare une version de Hot Shots Gold qui va supporter le système GPS. Et la prochaine mise à jour du firmware de la console, ça c'est le logiciel à bord qui fait fonctionner votre console, va être mise à jour donc avec un support pour la version 6 de Macromedia Flash et les fils RSS. Donc les fils de nouvelles qui se mettent à jour automatiquement via Internet. Hein? Donc on a assez parlé pour l'instant, on va aller retourner en musique avec une pièce que vous avez peut-être jamais entendue du groupe Télémac, parce qu'elle n'a jamais été sur le palmarès de Sifu, mais ça me tentait de vous la faire entendre quand même. Voici Télémac de leur album Superficiel, la pièce s'appelle Les Robots. Vous écoutez CNX, on parle technologie informatique et jeux vidéo à Sifu 89.1 FM. We'll be right back. Télémac avec la pièce Les robots de leur album Superficiel. Donc, à CNX, on parle technologie informatique et jeux vidéo. Je vous l'avais dit que ce serait une bonne pièce. Hein? Je ne mens jamais. On continue encore avec un petit peu de nouvelles. Une fuite sur Internet a dévoilé l'identité de millions d'abonnés à des sites porno. Oui, Wired a pu examiner une copie d'une base de données qui contient des renseignements personnels sur 17 millions d'internautes ayant utilisé le service de transaction en ligne iBill dans bien de ces cas pour payer un abonnement sur des sites pornographiques. L'immense base de données a été volée et les informations seraient actuellement vendues sur le marché noir, notamment à des fraudeurs et à des polyposteurs ou des spammeurs. Un nombre important de ces registres proviendrait de transactions par carte de crédit effectuées sur des sites web pornographiques. Dans son article, Wired précise que la base de données contient des noms, des numéros de téléphone, des adresses postales et des adresses de courriel, mais heureusement pas les numéros de carte de crédit. Et selon un expert de Secure Science, ces renseignements personnels pourraient être employés pour expédier des courriels vers les victimes, mais aussi dans le cadre de fraudes téléphoniques ou d'attaques par hameçonnage très ciblées et personnalisées. Je rappelle qu'hameçonnage, c'est quand on envoie des fausses pages web qui sont supposées ressembler à des vraies comme eBay. Nouveau coup dur pour l'Internet français. Les députés ont voté dans le cadre de la loi DADVSI ou la DADVSI, l'amendement connu sous le nom de Vivendi Universal. Ce point précis de la loi vient interdire l'utilisation et la mise à disposition des logiciels d'échange de fichiers de type peer-to-peer ou pair pour pair. Cette proposition, initiée par les maisons de disques et le groupe Vivendi Universal, a été adoptée cette semaine par les députés. Elle criminalise la technologie peer-to-peer ou de partage de fichiers sous prétexte que celle-ci peut être utilisée pour échanger des fichiers piratés. Malheureusement, les députés et Vivendi Universal ont visiblement oublié que le peer-to-peer était également utilisé pour échanger des fichiers tout à fait légaux. Donc, ça veut dire qu'en France, c'est rendu pas... Ça dit ici que l'amendement 150 prévoit de punir de 3 ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait d'éditer, de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, y compris à travers une annonce publicitaire et sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisé d'œuvres ou d'objets protégés. C'est vraiment dur. Hein? C'est vraiment une loi très, très, très dure. Ça s'appelle la DADVSI. Malgré l'arrivée de la Nintendo DS, de la Game Boy Micro et bientôt de la DS Lite, Nintendo va proposer dès le 27 mars prochain aux États-Unis une nouvelle version de sa Game Boy Advance SP. Elle s'appelle Pearl Pink, la version rose, hein, qui va notamment bénéficier de la nouvelle luminosité de la Game Boy Advance SP et d'une bien meilleure qualité par rapport au modèle précédent. La Game Boy Advance SP Pearl Pink sera commercialisée au prix de 80 US, soit un tout petit peu plus que... Non, en fait, c'est égal au prix qui est présentement le Game Boy Advance aux États-Unis. Et voilà. Ah, justement, on est rendu au point de l'émission où je vous montre des vidéos. Ça s'appelle sur l'écran de votre radio. J'en fais quelques-uns tout de suite avant la fin de la première heure. La semaine passée, si vous vous rappelez, flashback un petit peu si vous étiez là, on a parlé de Depeche Mode et The Sims, le jeu Les Sims, qui, Depeche Mode ont pris une de leurs pièces, Sufferwell, et l'ont refait en Simlish, qui est la langue des Sims. Et la semaine passée, j'avais cherché sur le site de Depeche Mode et sur le site des Sims où le MP3 était supposément disponible et je l'avais pas trouvé. Et bien maintenant, non seulement j'ai trouvé le MP3, mais j'ai trouvé le vidéoclip. Donc on va l'écouter au complet. puis on revient après. Vous allez voir, c'est quelque chose de spécial. Dépêche Mode, en train de chanter en ce qu'on appelle le Simlish. C'est pas n'importe quoi du tout. Vraiment pas n'importe quoi. Ça s'en vient ici, on l'écoute et on revient après. Vous écoutez CNX, ça c'est fou, 89.1 FM. Et la qualité est mauvaise, juste pour vous dire. Bobbing up with its wangle nays, a bluffing stud, a bribbage waste. Been banged, Epis Dimbo wise. He bluffs deep, you blow me why. Enough in his soul, diesel blood, guapi halls, silver tonic. Yeah. Donc, c'est le groupe rock Depeche Mode, en fait. Le faux goth rockers, qu'on les appelle. Depeche Mode, qui ont mis leur pièce Suffer Well en version Simlish. C'est le créateur de la série The Sims, Will Wright, qui a créé cette langue qui est disponible à l'intérieur du jeu The Sims. C'est un mélange de l'ukrainien, de la langue de Tagalog, qui est en Philippines. Et c'est le vidéoclip qu'on a regardé, en fait, que j'ai regardé et que vous allez regarder plus tard en allant sur le cnx.cf.ca. Il est disponible sur le site web officiel de Electronic Arts et ça raconte l'histoire d'un robot. C'est vraiment le fun, c'est super bon. Donc, Depeche Mode, Simlish, merveilleux. Ensuite, ici, une autre vidéo, c'est Nintendo DS à 100 MHz. Donc, c'est quelqu'un qui a hacké, qui a modé son Nintendo DS pour que Mario Kart fonctionne à une vitesse absolument hallucinante. Donc, on passe du 50 MHz, 25 MHz, 100 MHz. Donc, on va regarder juste un extrait de vidéo pour voir ce que la musique donne une fois accélérée. Avec, je sais pas comment il a fait ça, mais en tout cas, ça marche vraiment bien. Donc, Mario Kart. C'est à 100 MHz de pure puissance. Et là, on le voit à un moment donné avancer dans le jeu, faire sa course au complet. Et après ça, il redémarre la machine. Il y a une espèce de petit bouton que tu peux virer pour changer les MHz. Comme ça, il se met au ralenti. Je pense qu'on peut avancer. Je vais voir au ralenti ici. OK, là, il est en train de redémarrer la machine. Il est à 25 MHz. Écoutez bien le son du Nintendo DS. Ouvrir. Beaucoup plus lent. En tout cas. Donc, c'est ça pour ça. 100 MHz, Nintendo DS, l'article est sur cnx.cif.ca. Un autre, je crois que j'ai le temps pour deux autres. Comment savoir que vous jouez trop souvent à World of Warcraft? L'exemple est très facile. On écoute la vidéo et je vous le décris avec commentaire simultané. Donc, l'écran ouvre, on passe du noir à une scène dans un appartement. On est de la vue de la personne qui joue le petit tour à la personne qui joue à World of Warcraft dans sa chambre. Donc, la personne arrive avec sa caméra à l'épaule. entre dans la pièce, qui est, j'imagine, la chambre de la personne, où on voit une batterie, on voit un piano, etc. Et là, le gars est en train de regarder World of Warcraft. Il y a une fille à l'écran, puis il est en train de se masturber, en train de regarder la fille danser dans World of Warcraft. C'est là que tu sais que tu joues trop souvent à World of Warcraft. Il se retourne et on voit complètement promener le gars avec la caméra. C'est une belle blague. Je sais pas si le gars savait qu'il allait se passer ça avant de filmer. J'imagine, parce que sinon, pourquoi il aurait filmé ça? Peut-être qu'il l'avait entendu. Peut-être qu'il y a des cris spécifiques. OK. Et le dernier vidéo, celui qui m'a... Je suis resté stické sur ce vidéo-là. C'est absolument génial. Je peux pas croire que quelqu'un a fait ça. Si vous êtes quelqu'un de nostalgique, Mortal Kombat 3, c'était un jeu absolument terrible, à ce qui paraît. Mais les fatalities étaient géniales, à ce qui paraît. Donc, c'est une très, très belle humiliation. Donc, ici, ce qu'on a, c'est tous les fatalities de jeu-là, un à la suite de l'autre, et c'est vraiment quelque chose à voir, sérieusement. Okay, donc ici, bon, il y a un code secret à rentrer dans Mortal Kombat pour réussir à rentrer dans ce mode-là. Ça s'appelle le Supreme Demonstration, et là, ce qu'on va voir, c'est vraiment les finish him. Après, là, le son est vraiment pas fort, mais... Tant, j'aime le tant à la fin. Ça me rappelle tellement de souvenirs. Ça. Ah, le gars qui pogne en feu. La fille à quatre bras, t'es vraiment... Avec ses bras, là. En tout cas, sérieusement, une fois que vous allez voir ça, il y en a qui sont vraiment, vraiment drôles. Je sais pas si vous les avez tous vus. Je sais que moi, j'ai peut-être pas joué à cette version-là, donc je les ai pas vus non plus. Mais je me rappelle que les fatalities, c'était vraiment quelque chose de marquant dans ma jeunesse. Donc, chaque move de fatality, c'est Mortal Kombat 3 Fatality. C'est sur le cnx.cif.ca et c'est quelque chose absolument à voir. Et là, je crois qu'on est rendu à temps pour retourner en pause. On s'en va écouter les nouvelles de Radio-Canada. Et une petite pièce musicale, je sais même pas si on a le temps. Je crois qu'on a le temps parce qu'il est pas si tard que ça. Je regarde ça ici, c'est bien le fun comme ça. On va écouter un extrait, tiens, du Husky. Avec une pièce que vous avez pas encore entendue, parce qu'elle non plus n'est pas sur le palmarès. Elle s'appelle Dans le bois. Voici le Husky. Tout de suite à C'est fou 89.1 FM. Et on revient après les nouvelles de Radio-Canada. C'est fou. Pardonne-moi, excuse-moi. Bon retour à la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Mon nom est Mathieu Plante pour encore une heure et après ça, je vais rester Mathieu Plante, mais je serai plus avec vous, donc c'est ça. À venir, une autre, on appelle ça le mash-up. On va faire un paquet de choses mixées dans une espèce de ragoût de nouvelles, de gadgets, de nouvelles insolites et d'images et de choses comme ça. Mais pour l'instant, on ressort du placard une vieille pièce de 4D de l'album 4D, Le Prince Louvex. Voici Mission Climat à C'est Fou 89.fm. Comme tune ça ou quoi? Hein? C'est à la limite du psychédélique. Là, c'est expérimental, c'est ce qu'on appelle. Ouais, beaucoup. Donc beaucoup. On accueille Jesse Millette avec nous. Hey, bonjour, applaudissements du public. Merci beaucoup. Donc Jesse Millette, est-ce que tu es là pour commenter, être présent ou participer ou tu? Un petit peu de tout ça, tu sais. Est-ce que tu as préparé quelque chose? Non. Ah, c'est ce que je voulais dire. Non, je vais juste te rendre visite comme ça. C'est gentil, tu vas pouvoir m'aider à faire une autre partie du fil de nouvelles de cette semaine. On appelle ça le mash-up. On fait un paquet de choses différentes dans la même chronique. On commence par une nouvelle insolite. À Berlin, une petite localité de l'Est de l'Allemagne a vendu aux enchères sur Internet pour plus de 2000 euros l'équivalent de 8 semi-remorques de neige ramassées dans ses rues dans le cadre d'un pari original dont la recette sera versée à une œuvre de bienfaisance. Ce serait payant de faire de l'export pour le Québec. On devrait se lancer là-dedans, nous autres. Vent neige fraîche d'un blanc éclatant, molle et non usagé était l'annonce publiée sur les pages allemandes du site de eBay. La bourgade de 4700 habitants a réussi à écouler 10 mètres cubes de neige prélevée sur la grande place du bourg à une société de vente de vêtements par Internet pour 1420 euros la livraison. L'intégralité de la recette sera reversée au profit des enfants malades du cancer, c'est ce qu'a assuré le maire de Steinecke. Et ceci bien que la ville ait déjà dû débourser 100 000 euros depuis le début de l'hiver pour saler et déblayer les rues. Ceux qui vendent la neige par ici, habituellement, c'est le crime organisé. Y a-t-il une mafia de la neige? C'est la seule solution. La mafia, c'est de la faute. We've been Googled. C'est ainsi que l'éditeur Atlas Software annonce cette semaine sur son site son rachat par Google. Présent sur le marché depuis 6 ans, cet éditeur propose notamment SketchUp, qui est... SketchUp, c'est un jeu de mots, SketchUp, qui est un logiciel de création, de visualisation et d'édition 3D. Ce logiciel aurait attiré Google, notamment grâce à son plugin pour Google Earth, un plugin qui permet justement d'exporter de véritables objets 3D vers Google Earth. Les internautes peuvent ainsi proposer des modèles pour intégrer des représentations 3D d'immeubles ou de monuments directement dans Google Earth. Donc, comme tu vois sur la photo ici, c'est que tu as une carte sur Google Earth et tu peux, par exemple, mettre un engin 3D, par exemple, mettons la Tour Eiffel, dans ce cas-ci. Et elle va apparaître en 3D de vue vers du haut, à partir du haut, comme en hélicoptère ou en avion. Donc, c'est à voir si le rachat par Google va donner naissance à une version complètement gratuite du logiciel, parce que le logiciel coûte très très cher. Ça s'appelle SketchUp. Ensuite, après la PlayStation 2 qui joue des jeux de PlayStation 1, et bien maintenant, c'est l'arrivée d'ici la fin de l'année d'un émulateur PS1 pour la PlayStation Portable. Oh, ouais. Des jeux de PlayStation sur PSP, ça va être vraiment génial. Donc, les utilisateurs de la console de poche vont pouvoir se procurer des anciens jeux de PlayStation 1 et ça va être en les téléchargeant via un service en ligne, un peu à la manière du Xbox Live Arcade. Il y a Nintendo aussi qui, sur sa prochaine console, va pouvoir downloader toutes les anciens classiques. Est-ce que ça va être tout? Ou est-ce que ça va être certain? Je sais pas. On sait pas encore si ça va être... Je sais pas, là. J'affirme ça comme ça, là, mais d'après moi... Ce que j'espère, c'est des bundles. J'espère vraiment qu'on va pouvoir acheter 5 ou 6 jeux d'une même série pour un seul prix. Ouais. Un peu comme iTunes, acheter l'album au complet ou par pièce. Je me demande la façon que ça va fonctionner pour les céréales et la justification. Là, mettons que tu te cales des jeux, mais si jamais t'es père ou que... Pour X raison, ton Nintendo plante, va-t-il falloir que tu réagites encore? Bonne question, ça aussi. T'sais. Puis est-ce qu'il va y avoir un DRM, dans le sens que tu vas pouvoir seulement jouer un mois si, mettons, t'as payé pour un mois de location, si on veut, de tes jeux? T'sais. C'est à voir, ça. Mais du côté de la PlayStation Portable, donc Sony a confirmé que de nombreux titres du catalogue vont être disponibles, comme Final Fantasy VII. Et pour le moment, cette annonce ne concerne que le Japon, mais peut-être que ça va suivre aux États-Unis. Comme toujours, ça prend beaucoup plus de temps. J'ai vraiment hâte de voir ça. Il y a même des choses qui paraissent pas. C'est comme au Super Nintendo, il y avait un modem à l'époque que tu pouvais te procurer, sauf que c'était plus en Europe et au Japon. Mais ici, ça n'a jamais bien percé. Un petit peu aux États-Unis, mais pas... Il y a des séries complètes de jeux qui se rendent pas jusqu'ici, puis il y a des séries qui commencent seulement, mettons, à la deuxième ou à la troisième... Comme les Final Fantasy. C'est ça, qu'on a oublié certains des opus ici. Ici, tu appelais ça le 1-2, en vrai, c'était le 4-5. C'est mêlant, pis c'est pas très gentil de leur part. Non. Puis Mario Bros 2 qui était pas sorti parce que c'était trop difficile pour le public américain. Ouais, ben ça, je pense qu'ils ont pris un autre jeu totalement. Puis ils ont rajouté les skins de Mario. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est un bon jeu, ça. Doki Doki Panic avec des faces de Mario, puis c'est devenu Mario Bros 2 aux États-Unis. Mais bon, moi, j'aurais aimé qu'ils sortent l'original, celui qu'on appelle aux États-Unis le Lost Level. Lost Level. Ou Mario chinois quand on était jeune. Mario chinois. Une cassette avec un ruban. Hey, tu te rappelles-tu du jeu avec un Mario? Ça, j'en ai parlé sur Internet à quelqu'un à un moment donné, puis personne savait de quoi je parlais. C'est peut-être juste au Québec qu'on connaît ça. Mais il y avait un jeu de Mario. C'était peut-être pas un vrai Mario, mais c'était Mario en bébé. Oui, Mario bébé, puis il mangeait du gâteau. Oui, mais c'était-tu un vrai Mario? C'est rare en Rome, c'est rare. Je me rappelle que j'ai joué à ce jeu-là des semaines et des semaines de temps, puis sur Internet, on dirait qu'il n'y a aucune trace de jeu-là. Non, c'est bizarre, hein? Mais c'est un jeu japonais, puis je comprends pas, moi non plus, comment ça, je l'ai jamais retrouvé, aucune trace de ça. C'est vraiment importé. Mario bébé. Quand tu le passes, c'est Mario bébé, puis le boss, c'est un Bowser. Avec un rocher, c'était malade comme jeu, j'adorais ce jeu-là, j'aimerais ça rejouer. Aussi, j'adorais ça, mais il doit l'avoir. Avec un magnifique marché au plus de Shaoui, peut-être. Oh, peut-être. Tu sais, la manette que tu défaisais en deux, la cassette que tu défaisais en deux, il y avait un ruban, fait que tu souffles dans les deux parties. Ben, justement, comme Mario Bros 3, à l'époque, quand ça a sorti, t'avais la version en américaine, tu avais la version pirate qui était moins chère avec le ruban. Mm-hmm. La version pirate, quand tu te faisais toucher, tu rapetissais tout de suite. Tu perdais tout ce que tu avais. Tandis que la version américaine, quand tu te fais toucher, tu restes grand. C'est pas juste facile. Ouais, c'est ça. Ça me rappelle. Mais la version japonaise était dure, là, je m'en souviens. Uh-huh. Puis c'est pour ça, quand je joue à Star, je pogne de quoi, je fais comme, c'est tombé facile. Mais c'est la version américaine. Je me rappelle, je jouais à Dr. Mario l'autre fois, j'en ai parlé, je pense, au Pamara, ça s'est passé. Je jouais à Dr. Mario, la version japonaise commence à un niveau beaucoup, beaucoup plus rapide. Beaucoup plus difficile. Oui, le public américain, c'est tout le temps ce qu'on appelle dumb down. Là. C'est plus facile pour que les Américains qui sont pas trop, trop bright, selon les Japonais. Ben, ça, les Japonais font des concours mondiaux de Dr. Mario, Tetris et compagnie, des jeux vraiment compliqué. Mm-hmm. En tout cas. Donc, PlayStation 1 sur PSP, on est parti de loin pour arriver jusque-là. Gaël Duval, un des fondateurs de Mandriva, qui s'appelait Mandrake Soft avant, a confirmé les rumeurs qui circulaient récemment sur les forums de l'éditeur. Il aurait été remercié de l'entreprise qu'il a créée lui-même. Donc, Mandrake Soft a été créé en 1998. Ça a été l'un des premiers distributeurs à tenter de rendre Linux accessible à un public plus large, grâce à la distribution de Mandrake Linux, réputée pour sa convivialité et sa simplicité d'installation. L'entreprise avait connu une période noire après son dépôt de bilan en 2002, avant de ressortir la tête de l'eau au prix d'un plan de restructuration. Dernièrement, Mandriva a absorbé deux autres éditeurs de distribution Linux, c'est-à-dire Connectiva, d'où le changement de nom, en plus de certaines raisons légales, et Licorice. Mandriva continuera sans son fondateur emblématique. C'est plate, tu fondes une compagnie, tu fais 5$. Mais c'est sûr aussi que t'as bien des compagnies de affiliées à Microsoft qui s'arrangent pour pas que Linux arrive à ses fins, finalement. Il y aurait beaucoup trop de compétition. Mais comment ça peut arriver que le créateur d'une compagnie se fasse acheter dehors? Ça, je comprends vraiment pas. X raisons, des fois, on sait pas les vraies raisons. Des fois. On le saura sûrement jamais. Non, probablement. Ben, c'est comme les Rolling Stones. le fondateur du groupe des Rolling Stones, il était exclu assez vite. Il s'est même suicidé à cause de ça. Le groupe a continué, puis c'est un des groupes les plus connus dans le monde. Oh, Linux et Rolling Stones, bonne comparaison. Exact. J'aurais jamais pensé à ça. On continue, j'ai posté sur le site cnx.cif.ca, qui est le site de l'émission, une grande, grande série du jeu le plus attendu par moi-même de l'année, New Super Mario Bros., qui sort le 7 mai prochain. Et on a posté des captures d'écran, il y en a une bonne cinquantaine. Paraît que ça va être vraiment beau, là, j'ai vu le démo. Là. Ça a l'air assez hallucinant, les poissons sont en 3D. Ça va être beau, tu sais. Ça va être génial. Ouais, la série du Mario... Enfin, le retour à la base du 2D. Oui, exactement. Mais ça, c'est quelque chose, c'est un côté, comme je parlais l'autre jour à ton émission, qu'il n'aurait pas dû abandonner. Non. Le 2D, il va toujours avoir un marché. Puis deuxièmement, je pense des enfants à bas âge, c'est toujours quand même mieux un petit peu de jouer un genre de Mario 2 que de se faire garocher dans un univers trop 3D, un petit peu compliqué, complexe, que si tu sais pas lire, tu comprends pas nécessairement le principe du jeu. En tout cas, c'est mon avis. Je suis d'accord. C'est pour ça que les jeux de rôle sont plus pour les adultes. Parce qu'il y a beaucoup trop de choses à lire et à comprendre. Exact. Pratiquant quand il y a des paroles, ça attune de fond. Hein, donc les captures sont sur le cnx.cif.ca. Ah, on va continuer dans l'ordre que je les ai placés ici. Tiens, le top vente pour le mois de février 2006, la National Purchase Diary, la NPD, nous permet de découvrir les ventes software et hardware aux États-Unis pour le mois de février 2006. Donc, le top des ventes matérielles, donc les consoles les plus vendues. En sixième position, c'est la GameCube, qui va toujours pas bien au Japon. Aux États-Unis, ça dure. Pardon. Ouais. Ça va vraiment pas bien. Ouais, mais ça revient un petit peu à ce que tu disais tantôt, c'est qu'il y a bien des jeux qui sortent au Japon qui sortent pas ici. Mm-hmm. Et des jeux bien intéressants que j'ai eu l'occasion de toucher un petit peu, là. Ça a l'air super intéressant, sauf qu'il n'y a pas de version nord-américaine qui sort. Deuxièmement, là, t'es en compétition avec Xbox, PlayStation, qui sortent des noms de gros éditeurs tels Capcom et autres compagnies. Ben, c'est sûr qu'il y a des jeux qui se retrouvent sur ces trois consoles, sauf que c'est sûr qu'avoir le choix... Moi, c'est parce que je suis vendu à Nintendo, fait que j'en ai eu un GameCube avec tout ce que ça implique. Mm-hmm. Sauf qu'il n'y a pas tant de jeux que ça que j'ai allumé, puis j'en aurais pas 40, admettons. Tandis que le Xbox, tu peux en avoir une quarantaine que tu vas rejouer de temps en temps, des petits jeux d'arcade plus. C'est drôle parce qu'il me semble que le catalogue de jeux sur GameCube, sur Nintendo DS et sur PSP, je parle pas de Nintendo dans ce cas-ci, mais il me semble que les consoles portables et GameCube ont pas beaucoup de jeux par comparaison aux autres consoles, puis c'est pour ça que ça marche pas, j'imagine. Ça. Aux États-Unis, en tout cas. Oh, c'est forcé. Vrai. Parce que des fois, même si tu garages puis tu sors plein. C'est parce que Nintendo, ils ont bien des restrictions. T'sais, au lieu de sortir 160 jeux, que là-dessus, t'en as peut-être 80 qui sont mauvais, et les autres consoles, ils sortent quand même parce qu'il y a toujours un marché, même minimum. Mm-hmm. Mais. C'est ça. La morale étant, c'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Encore. Finalement, ils ont des restrictions de Nintendo, eux autres, c'est pas trop de loading, ils veulent quand même graphiquement que ce soit beau. Regarde, les Resident Evil sont écœurants. Ils sont merveilleux, les jeux de GameCube, il y en a beaucoup de très bons. C'est ça, ils passent inaperçus complètement. Mais les autres sortiront pas un genre de... comme pas d'exemple, mais mettons Test Drive, ils en sortiront pas 5 sur Nintendo. Ils vont sortir un bon jeu de course. Souvent, quand tu lis les nouveautés qui sortent en magasin, comme on va faire tantôt, c'est souvent toute console, sauf GameCube. Ouais, et voilà. C'est vraiment ça. C'est des compagnies, ils approchent toutes les consoles, mais Nintendo va signer probablement avec quelque chose qui pense vraiment qu'il y a de l'envergure ou de l'étoffe. Ou souvent, les compagnies de jeux vidéo vont décider de pas se mettre avec Nintendo parce qu'ils savent que ça va moins se vendre sur Nintendo. Ouais, donc, aussi bien pas perdre de temps à convertir le jeu. Et voilà. Mais pourtant, sur Nintendo, ça roule bien, les jeux. T'sais. J'ai toujours. Je reviens à Resident Evil, mais c'est une série assez incroyable, les remakes de ça. C'est hallucinant. Ben, c'est peut-être justement à cause du loading, comme tu disais, sur PlayStation 2 puis sur Xbox, il y a des tonnes de loading. Ah, c'est long, peut-être, c'est vu long. Que Nintendo veut pas avoir de loading, les compagnies se disent, ben, on le fera pas sur GameCube, on va être obligé d'enlever nos loadings. Ben, puis mettre plus de temps de... pour nos employés, au moins un mois de plus, pour arriver à une qualité à un moment donné. Mm-hmm. De toute façon, Nintendo, le nom est déjà fait. Puis j'imagine que des années 80, ils ont ramassé tellement de millions, ou de milliards même, que... Puis les consoles portables sont vraiment les maîtres là, actuellement. Ah, ils l'ont toujours été. C'est pas... Juste... Probablement qu'il y en a un autre qui va rentrer dans pas long. Puis ouais, tu penses? Dans la compétition, ben là. C'est sûr qu'à un moment donné, Sony ou Microsoft va faire « Hey, hey, hey! » Moi, je m'appelle Microsoft, j'ai déjà tout le marché, mais celle-là, je l'ai pas. Ça sent bien, ça sent bien. En cinquième, c'est Xbox avec 88 000. En quatrième, Nintendo DS avec 150 000. En troisième, la 360 avec 161 000. En deuxième, une console portable. PSP avec 170 000 et PlayStation 2 est en première position avec 299 000. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que Game Boy Advance n'est pas là-dedans. En tout cas, pour spécial. Cette vie. Je sais pas si c'est parce que le top, ici, n'inclut pas la console Game Boy, mais en tout cas, elle est pas sur le top. Et le top des ventes de jeux. Aux États-Unis, en cinquième, on trouve Grand Theft Auto Liberty City Stories sur PSP. En quatrième, c'est Guitar Hero Bundle sur PlayStation 2. En troisième, Fight Night Round 3 sur PlayStation 2. Call of Duty 2 sur Xbox 360 est en deuxième. Et Fight Night Round 3 sur Xbox 360 est le grand gagnant des ventes logicielles basées sur les revenus que les jeux ont générés. C'est drôle, je sais pas si t'es du même avis que moi. Moi, Nintendo, ça va toujours à cette heure, là. Ça m'a toujours fait penser un petit peu à la rivalité Mac-PC. Ouais. C'est le vrai. Même genre de principe. Totalement. Sauf que la console est moins chère, là. C'est un peu comme Firefox puis Explorer. C'est un peu comme Beta puis VHS. Oh, c'est ouais, un peu comme David contre Goliath. C'est... comme un mouton blanc et un mouton noir. Et voilà le meilleur exemple. Un cheval puis Manon Réaume. Oui. Hein? As-tu vu Manon Réaume of the Dead? Vraiment pas. OK. On continue avec... je sais pas, est-ce que t'as Photoshop? Oui. Oui, bon, ben, ceux qui avaient Photoshop, tu pouvais voir les miniatures de tes photos PSD dans Windows Explorer, en les mettant en fonction miniature. Et puis, si tu as mis à jour à CS2, tu as gardé cette fonctionnalité-là. Mais ceux qui ont installé directement CS2 ont pu ces affaires-là. Pourquoi? Parce que le fichier DLL a été enlevé par Adobe. Et bien, sur le site-ci, on peut télécharger le DLL et le remettre à sa place. C'est juste un petit fait comme ça pour ceux qui ont CS2 puis qui se demandent pourquoi je peux pas voir les miniatures de mes photos dans Windows Explorer. Voilà. Passons pas plus de temps là-dessus. C'est super plate, mais moi, je trouvais ça cool quand même. J'ai un petit quiz ici pour toi. Je vais te dire des noms, okay? OK? Et tu me dis si c'est un site web de la génération Web 2.0, c'est les sites web qui sont super mouvement, là, que tu peux changer des affaires sans que la page se recharge, etc. Est-ce que c'est du Web 2.0 ou est-ce que c'est un personnage de Star Wars? OK? Tu me réponds, il y en a 25 dessus, on les fait super rapidement. Okay. Barada. Star Wars. Ico. Kiko. Star Wars. Bosque. 2.0. Brakis. 2.0. Troomba. 2.0. Ah non, Star Wars? Non, Star Wars. Plus vite. Escobo. 2.0. Kalista. 2.0. Wedge. Star Wars. Oh. Ouais. Favour. 2.0. Nouveau. 2.0. Django. Star Wars. Aye. Meebo. 2.0. Fando. Star Wars. Jar Jar. Star Wars. Milo. 2.0. Coupe. 2.0. Oula. 2.0. Loulou. 2.0. Padme. Padmi. Je sais pas comment c'est. C'est Star Wars. Agatha. Star Wars. Sebulba. Star Wars. Oyogi. 2.0. C'est pas facile, il en reste encore un bout. C'est des noms assez. C'est dans mes noms. Même si tu le sais. Renku. 2.0. On va se rendre jusqu'à la fin. Watto. 2.0. Star Wars. Yeda. Star Wars. Grido. 2.0. Django. Star Wars. De Zotto. 2.0. Panaka. 2.0. Ria. 2.0. Dooku. Star Wars. Reddit. 2.0. Tarkin. 2.0. C'est vraiment long, on m'a dit, je m'excuse, mais je pensais pas que ça allait être aussi long. C'est que pas ça, ça la brosse. Dala. 2.0. Kungu. Star Wars. Ning. 2.0. On a fini, là. Que des deux. Thrawn. 2.0. Lando. Star Wars. Skidoo. 2.0. Tu vois comment c'est ridicule les noms de web 2.0. Skidoo. Wicket. 2.0. En fait, c'est Squidoo, l'autre. Okay. Collectivex. 2.0. Il en reste deux. Tagu. Star Wars. Et Gooey. 2.0. Hey, même l'avant-dernier, je suis juste à 2.0. Tu vas-tu avoir mérité ta note après ce long moment inconfortable? J'espère avoir un score incroyable. Je suis représenté à l'université. J'espère. Attends, c'est combien de questions qu'il y avait là-dedans? C'est, tu m'avais dit 25. T'as eu un 25, OK. T'as eu un 25. La note entre 21 et 30, c'est Too Much Kool-Aid. Je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, en tout, c'est qu'il y en avait 43. Il n'y en avait pas 25, il y en avait 43. OK, puis là, j'ai eu 25 sur 43. 25 sur 43, c'est quand même pas mauvais. J'ai quand même 60% quasiment. Ça aurait été meilleur s'il y en avait eu 25, ça aurait pas été aussi bon. C'est ça. Ouais, c'est un jeu à faire à la maison. J'espère que vous allez... Ouais, j'imagine qu'un maniaque de Star Wars, il serait plus élite que moi. Là. Ouais. Mais moi, ça me surprend qu'il y ait autant de produits 2.0 qui se nomment avec un nom comme Oyogi, puis Mibo, puis Tarkin. Ouais, mais ça doit être japonais, là. Non, mais c'est vraiment juste pour être à la mode. Ouais, aussi. On vient de perdre un gros 4 minutes. Et le dernier avant d'aller en pause, 3D Painted Rooms. Regarde bien ça. À gauche, c'est une photo d'une peinture qui a été faite sur un mur qui a l'air c'est vraiment normal. Mais quand tu la vois sous un certain angle, ça fait une forme vraiment spéciale. Il y a le corridor qui devient un rond comme ça. Une espèce de forme bizarre qui devient un X. Oh, ouais. C'est vraiment quelque chose. Ça, c'est pour vrai. De trompe-l'œil, mais dans ta maison. Ouais. Quand tu regardes d'un angle, c'est vrai. Puis quand tu le regardes de l'autre, c'est tout croche. C'est vraiment cool. C'est magnifique. Puis regarde bien les fenêtres. Et ici, c'est celui-là ici. Des carrés qui deviennent vraiment la forme des fenêtres. En tout cas, c'est dur à expliquer à la radio, mais c'est vraiment quelque chose à voir. Allez voir sur le CNX. Contente-toi de donner l'adresse. CNX.cif.ca. Ça s'appelle 3D Painted Rooms. Et maintenant, ça va en pub. On revient. Il nous reste les nouveautés de la semaine et peut-être quelques petits jeux et d'autres nouvelles insolites. Et aujourd'hui... Et cette semaine dans l'histoire qui nous reste aussi à faire. On va voir ce qui s'en vient au retour. Il nous reste 25 minutes. Vous écoutez CNX, on parle technologie informatique et jeux vidéo avec Jesse Minette et Mathieu Plante sur C'est Fou 89.1 FM. Bon retour à La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Mon nom est Mathieu Plante, toujours avec Jesse Minette, qui commande avec moi les actualités. C'est rendu celui... C'est pas le bon micro. C'est bon, celle-là. Ça va mieux que ce micro-là. Tantôt, je m'entendais vraiment pas. Ta voix sonnait creuse. Je sais pas ce qu'il y avait, ce micro-là. Mais... Bon retour à toi. Bon retour à vous à la maison, au travail, où vous soyez. Hein? Ceux qui nous écoutent sur Internet, on vous félicite aussi. Bravo à vous. Vous avez vraiment accompli quelque chose de beau en visitant le www.cif.ca et en cliquant sur le bouton jaune en haut à droite. Site web que j'ai trouvé cette semaine, le Iron Sudoku. Les fans de Sudoku, je sais qu'il y en a beaucoup, c'est comme à la mode présentement d'aimer faire des Sudoku. C'est vraiment à la mode. C'est dur en maudit, par exemple. Oui, quand même. T'as déjà fait un Sudoku pour vrai? Non, jamais. Jamais, ça m'intéresse pas. Mais non, mais je veux dire, c'est parce que c'est vraiment à mode, parce que je connais plein de monde, plein de mamies, de ma tante qui capotent là-dessus, puis ça se ramasse des livres, puis ça se joue à outrance, là, on pourrait dire. Celui-là, ça s'appelle ironsudoku.com. C'est un site, c'est pas du Flash, c'est du Ajax. Donc, tu peux vraiment déplacer les chiffres. Il faut s'inscrire pour jouer. Donc, t'as juste à t'inscrire ici, c'est gratuit. Et c'est génial, c'est des puzzles en ligne, donc ça veut dire que vous pouvez jouer contre d'autres gens au même puzzle. Donc c'est quand même cool. C'est ironsudoku.com. The Raw Feed, je crois que les vidéos vont... Je vais devoir les télécharger plus... Ouais, je vais les télécharger pour vous les faire jouer plus tard. On va parler de robots. Une petite chronique genre robot ici à CNX, ça va être le fun, des robots qui font des choses cool. Hein? Ça va être cool ça. Comme le robot Nintendo. T'as-tu déjà joué avec le comment ça s'appelait? ROB, le robot Nintendo. Non, j'ai jamais joué, mais là, Il y a eu, j'étais à Kino mardi, puis un gars dans son vidéo, il était au marché aux puces à Chaoui. Mm-hmm. Puis il y en avait deux. Fait que je m'en vais m'en procurer un au plus chagrin. Je vais être là à l'ouverture pour en avoir un, parce que j'en ai voulu un toute ma vie, j'en ai jamais trouvé. Tu vas m'inviter? Mais je sais pas combien il va le vendre, par exemple. Puis ce gars-là, de ce que je vois dans la vidéo, là, je sais c'est lequel, c'est un voleur d'habitude. Ah, ok. Il va te vendre Megaman 2, 45$. Ok. Okay. Tu serais mieux d'aller sur eBay pour te le procurer, non? Ouais, probablement. Peut-être bien. Mais j'aimerais ça voir avant ce qu'il fait, tu sais, le fond. Ben ouais. Donc, à Shawinigan, On marche chaud, puis il en reste rien que deux, dépêchez-vous! Je pense qu'il y a eu juste deux jeux, puis il y a trois jeux, je pense. Qu'ils ont je les avais tous. Il y a Gyromite, puis les autres, là, les noms m'échappent. Je vais aller chercher les jeux sur R.O.B. En tout cas, on va aller écouter un petit peu de musique comme ça parce qu'on n'avait pas de parler. Puis à la maison, vous dites sûrement, hey, un petit peu de musique, ce serait le fun, t'sais. On écoute Someday You Will Be Loved de Dead Cab for Cutie. On revient tout de suite à la connexion à CP 89.1 FM. I once knew a girl in the years of my youth, with eyes like the summer, all beauty and truth. But in the morning I fled, left a note and it read, someday you will be loved. I cannot pretend that I felt any regret, 'cause each broken heart will invent mend. And as the blood runs red down the needle and thread, someday you will be loved. You'll be loved, you'll be loved like you never have known. And the memories of me will seem more like bad dreams, just a series of blurs like I never for Cutie, avec la pièce Someday You Will Be Loved de leur album Plans, pièce que j'adore et album que j'adore et groupe que j'adore, etc. Je pourrais continuer comme ça toute la semaine. Donc, toujours avec Jess Millette et Mathieu Plante pour CNX, on parle technologie et informatique et aussi jeux vidéo par moment, ça arrive. On commence par quelque chose, on est vraiment en retard là-dessus, vous l'avez tous vu, ça fait le tour de l'Internet, j'étais supposé le faire il y a deux semaines, j'ai oublié. Et là, on le passe quand même, c'est dans la chronique sur l'écran de votre radio. Et cette semaine, ce qu'on a, c'est l'ouverture des Simpsons fait en vrai. Vous avez tous vu ça, j'ai même pas besoin de vous passer. Regarde comment c'est bien fait, sérieusement. Regardez ça. Ah, c'est beau. Et en fin de compte, ce que j'ai lu par contre, et ça vous savez peut-être pas parce qu'à la maison vous voyez des vidéos sans arrêt, mais vous savez pas l'histoire qu'il y a derrière. Et bien apparemment, et pas juste apparemment parce que c'est le cas, c'est une publicité qui a été créée par Fox. Ouais, probablement. J'en doute pas, mais pas du tout. C'est quand même très bien fait, là, puis c'est trop bien orchestré. Sauf que, bon, les personnages ressemblent moins aux Simpsons un petit peu, je trouve. Ouais, c'est ça. Mon avis critique. Je me rappelle plus exactement de... Je crois que c'était pour Sky. Je crois que c'était au Royaume-Uni. Donc, ce serait Fox qui aurait fait cette publicité-là pour eux autres, pour la diffusion de la série dans ce pays-là. Je me rappelle pas du pays exactement, mais c'est à peu près ça. Allez voir la vidéo, c'est quelque chose de très bien fait. Si vous l'avez pas encore vu, vous manquez de quoi. Ouais, ben, tant que ça n'annonce pas un film des Simpsons, parce que peut-être que s'ils sortent un film des Simpsons, ça s'avérerait d'être peut-être un flop. Mais par contre, c'est pour ça qu'ils n'ont jamais sorti la série Punk Bandro. Ouais, non, mais moi non plus, je ferais pas de film avec ça. Et ici, celle-là. Moi, par exemple, je rajouterais. Je rajouterais une chose. Tu vois, je suis d'accord avec lui. Je vous présente Jesse Millette ici. C'est le fun! Merci, David. Et pour la première fois à ton émission, j'avais mixé mon émission de funk pour ce soir. Aïe, la preuve que je travaille. Travaille en équipe. Hey, es-tu hot, lui? Hein? Non? Vraiment, il est hallucinant. Ouais. Ça m'épate. Je suis ébahi, tu m'envoies bouche bée, Dave. En tout cas, donc, cnx.cif.ca, cliquez sur Real Life Simpsons Intro pour voir les vidéos. Ceux qui ont été sur Google Vidéo, sur YouTube, justement, comme la vidéo qu'on vient de voir, c'était sur YouTube, et vous avez voulu télécharger les vidéos, vous ne saviez pas comment, il y a un nouveau site qui s'appelle keepvid.com, qui est génial parce qu'il vous permet de télécharger des vidéos de ces sites-là, Google, YouTube, un paquet d'autres comme ça, Putfile, iFilm, MySpace, et c'est génial. C'est-tu un site ou c'est un... C'est... Non, c'est ça. Ouais, en tout cas, peu importe, c'est keepvid.com. Allez voir ça. C'est génial. Ensuite, on va faire, tu sais, dans l'ordre, encore une fois, dans l'ordre que je les ai placés. On va y aller avec les nouveautés de la semaine. Qu'est-ce qui sort en magasin cette semaine? Tu me le demandes, Jesse? Tu me le demandes comme ça? Qu'est-ce qui sort en nouveauté cette semaine, c'est Mathieu? C'est ce que je voulais entendre, merci. Donc, semaine quand même pas si pire, intéressante, peu importe la plateforme que vous avez. Si vous êtes sur PSP, vous avez droit à 4 jeux cette semaine, dont le très attendu Daxter. Mais on va y aller en ordre. On commence par les jeux qui sortent sur plusieurs consoles de Rockstar Games. Sur PlayStation 2 et Xbox, on retrouve Midnight Club 3 Dub Edition Remix. Yeah! De Atari, sur PlayStation 2 et Xbox, sûrement pas sur Atari. Le jeu Driver Parallel Lines et Ice Age 2 The Meltdown sur PlayStation 2, GameCube, Xbox, Nintendo DS et Game Boy Advance. Quand c'est un jeu basé sur un film, ils le font sur toutes les consoles, tu sais. Ouais. Tu sais, comme ça. Dave? C'est officiel, Red Orchestra est sorti pour les gens qui ont Steam. C'est vrai qu'il est sorti. Très impressionnant, j'ai vu quelques vidéos, c'est... Malade. C'est super. Ça a l'air bon. Ça a l'air pas mal bon. Vraiment, vraiment camouflage là, de ce que tu me contais, David. Là. Il paraît que t'es vraiment dans l'ambiance, que quand tu te caches, c'est vraiment un vrai sniper allemand qui est caché. Tu ne le vois, mais pas du tout. Là, pour les gens qui savent pas, c'est un jeu sur la Seconde Guerre mondiale et surtout sur le théâtre russe et américain. Mais ceux qui connaissent vraiment les moteurs 3D, ce qui est intéressant, c'est que les ennemis ou les bonhommes dans ton équipe, quand ils sont cachés dans la maison ou quand ils sont cachés dans les débris, le moteur 3D fait que le bonhomme éclaire pas lui-même, tu sais, comme souvent les moteurs, le bonhomme t'a découpé du reste. Les bonhommes ont tout le temps comme pas l'air dans l'environnement, okay. Même si c'est bien fait, s'ils sont de la même couleur, tout en l'air qu'ils ressortent du décor. Tandis que dans Red Orchestra, là, il y a des fois, tu passes dans telle rue à Stalingrad, puis tu fais tout le temps descendre, mais tu le vois jamais, le putain d'allemand. Ça doit être dur en maudit, ça. Ça doit être excellent. Il faudrait pas repogner la piqûre de ces jeux-là, parce que quand tu pars, t'arrêtes plus. Non. Fait que les célibataires comme Jesse, vous pouvez maintenant jouer à Go. La liberté. Merci, je me sens vraiment dans elle et lui quand tu fais une intervention à la radio comme ça. Lui, c'est je suis célibataire, ouais. Ah, il y a un ordre de femmes dans les fenêtres de ces fous. La je vais aller calmer ça, je reviens. Okay, c'est bon. On va aller couper le moustache. Sur PC, on retrouve deux jeux de Ubisoft, CSI 3 Dimensions of Murder et Onimusha 3 Demon Siege, et de Valve Red Orchestra as Front 4145, on vient juste de mentionner. Sur Xbox 360, de THQ, le jeu The Outfit. Sur PlayStation 2, de Konami, Metal Gear Solid 3 Subsistence. Sur Xbox, de Ubisoft, Rainbow Six Critical Hour. Ça devrait être beau, ça, Metal Gear Solid 3. Oh, oh, ça va être solide. Effectivement. Okay. Sur PlayStation Portable, Daxter de Sony, Siphon Filter Dark Mirror de Sony, Mega Man Powered Up de Capcom et Neopets Pet Pet Adventure de Sony. Hey, les Neopets, tu connais ça? Ouais. Les animaux de compagnie. Ça devrait être très intéressant. Et... C'est comme les Yu-Gi-Oh! Ouais, c'est pas mal, ouais. Ben justement, parlant de Yu-Gi-Oh! Sur Game Boy Advance, ben c'est Yu-Gi-Oh! Je crois. Ultimate Masters de Konami, c'est aussi une des nouvelles sorties en magasin cette semaine. C'est une belle semaine. Très belle semaine. Vraiment, c'est magnifique. C'est le fun de nommer des jeux de même, puis de réaliser des compagnies comme Atari, Sega, plus de consoles, juste des jeux. Depuis la Dreamcast, Sega, ils ont compris. Hey, oui, Dave. Je reviens sur un sujet, je sais pas si t'as parlé des Mac, mais c'est officiel, il y a un individu aux États-Unis, deux programmeurs qui ont réussi à installer Windows. Puis il y a quelqu'un qui a fait une étude par rapport à cette annonce-là, puis paraîtrait-il qu'il y aurait 1 million de personnes sur la planète qui auraient acheté des Mac Intel à cause qui auraient lu... qu'un jour, ça allait être possible d'avoir Windows dessus. Ah, oui, donc les personnes font un dual boot, puis ont approché 13 000 $ US, qui était la cagnotte. Mais ce qui est beau d'un Mac, c'est que le système roule très bien. Fait que je sais pas, hein, si t'en vas sacrer un Windows là-dedans. Ça va se faire d'aller à l'encontre d'avoir un Macintosh, là, il me semble. C'est pour jouer à Red Orchestra? Là, on comprend tout. Non, ben oui, Red Orchestra sortira pas sur Mac, c'est ça? En dual core. Mais non, Steam veut rien savoir. Steam, c'est une gang de Steam de. Il snob. Ben, pourquoi? Steam de. Je sais pas. Mais il y a des professionnels qui ont dit que s'ils pouvaient acheter un Mac au lieu d'acheter un Mac et un PC, ils achèteraient un Mac tout simplement parce que tu peux faire un dual boot quand tu as des applications spécifiques à Windows. Mais c'est pas des jeux vidéo, ça. Je vous pardonne, les gars, de m'avoir fait parler de ça. Ah, c'est gentil, t'as pas. Hey, tu vas peut-être aimer ça. Est-ce que tu connais Zelda? Est-ce que ça te dit quelque chose, Zelda? Oui, je te dis Zelda, J'adore Zelda. J'adore Zelda. Ici, ce que j'ai trouvé, c'est une vidéo sur Google Vidéo qui est Zelda, mais fait en vrai. Et je l'ai regardé hier soir et c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Okay. Oh, la musique nostalgique. Donc, ça commence sur un petit peu de texte, mais on voit des gens assis à une table avec une épée dans le milieu. Zelda arrive, saute sur la table, prend l'épée et il y a un mot en bas qui dit « You got the Master Sword ». Pas Zelda, pas Link. Je sais, excuse-moi, c'est le stress de la radio. Et je m'excuse. Merci de me faire un massage, Dave, c'est gentil. The Legend of Zelda, les graphiques à l'écran sont inspirés du jeu et les effets sonores des pots cassés, on le voit plus tard. Quand il marche, il marche vraiment comme Zelda dans le jeu. Là. Mais c'est quelqu'un qui l'a fait. Oui, c'est vraiment quelqu'un pour vrai. Là. Puis ça, c'est pas Fox qui l'a fait. Là, ça, c'est... Il a même son petit bouclier, puis là, il fait sur un poteau avec son marteau. Ça fonctionne moins que dans le jeu. Un petit peu moins, ça. Il essaie de passer la porte. Oh, elle est barrée. Il a la clé. Et la clé débarre la porte. Et plus tard dans le vidéo, on peut le voir casser des pots. C'est qu'il est vraiment... Ah, la petite fille qui arrive pour le sauver. Oh, là, il est mort. Il a tout perdu ses cœurs. C'est doux. Oui. Elle était bien en mode. Hey, c'est ton ex. Ah, que c'est beau. Attends, je vais voir les pots cassés. C'est vraiment mais cool. Est-ce qu'il pogne en feu, lui, s'il manque son coup de chauffe? Il y a le bain battre un boss. Même, il bat le boss. Il essaie de frapper dessus. Évidemment, il frappe pas partout dessus. Comme dans le jeu, tu frappes à côté puis ça frappe. À un moment donné, il va mettre le feu. Il met le feu au monstre. Si t'écoutes la vidéo, puis tu donnes un coup sur ton ordinateur, est-ce que tu fais sauter la cassette? Je pense que oui. Attends, non, je veux vraiment voir les pots cassés. Ah, c'est là, les pots cassés, gamin. OK, il arrive. Et... clink! Ah, écoutez les sons. C'est trop fort, c'est vraiment trop bien fait. En tout cas, donc allez voir le vidéo, c'est Zelda en vrai au cnx.cifu.ca. C'est vraiment quelque chose de bien. Ah, oh, une belle console. Ah, un mod. Donc, cette semaine, dans les mods de gens qui ont changé leur console en quelque chose d'autre, on retrouve une GameCube intégrée dans une Nintendo Entertainment System, la NES, la Nintendo originale. Donc, le lecteur CD est en haut de la console, les prises sont dans le port cassette. C'est pas super beau, c'est ouais, probablement... Ouais, c'est juste l'esthétique pour rire, parce que c'est sûr que son Nintendo est tellement joli que c'est même pas beau. C'est probablement le mode le plus laid que j'ai jamais vu de ma vie. Ouais, effectivement. Mais ça vaut la peine d'être vu quand même. Oh, ouais, c'est quand même cool. C'est un trilou, mais tout se fait, tu sais. Un autre mode, c'est la NES, qui a été peinturée noire, virée sur le côté et mise dans un stand de PlayStation 2 pour que ça ait l'air d'une PlayStation 2. Oh. Le gars, il a même calqué le logo de NES dans la forme de la police de PlayStation 2, tu sais. NES en carré. C'est quand même beau. Oh, ouais, c'est beau. C'est même c'est la manette. Je me demande de côté, là, les cassettes. Là. Déjà ouais, à l'endroit, il fallait que je mette une pile de puck de hockey dessus pour que ça marche. Mm-hmm. Et je me dis comme ça de côté. Là. Sérieux? La cassette, elle glisse tout le temps. Oh, c'est vrai. La pile de Photopolis aussi. Ouais. C'était très pertinent. On continue. Très pertinent. Donc, NES sur le côté, c'est magnifique. Allez voir ça. Je crois qu'ici, si c'est facile à télécharger d'un coup sec, on devrait pouvoir voir. Non, ça va être trop long, je pense. On va sauter ça aussi. Cette semaine dans l'histoire, il s'est pas passé grand-chose dans l'histoire cette semaine. Mais entre autres, Microsoft est devenue une compagnie publique le 13 mars en 1986. Yeah! Oh! Yahoo! Aussi, qu'est-ce qu'il y a? Aldus Corporation et Adobe Systems ont décidé de fusionner le 15 mars en 1994. L'Internet est devenu plus populaire au-delà des États-Unis et de l'Europe, donc dans d'autres pays. Ça s'est passé le 16 mars 1990. Et Apple a poursuivi Microsoft pour infraction de copyright le 17 mars 1988. Et ça pourrait, ça, le reste est un petit peu moins, ben, c'est tout aussi important, mais un petit peu plus technique et pas très intéressant. Hein? C'est ce qui s'est passé cette semaine dans l'histoire. On parlait du ROB tantôt, j'ai fait quelques recherches sur Wikipédia. En fin de compte, il y avait deux jeux qui ont été compatibles avec le ROB. Il y avait Girobit, donc j'ai 50% des bonnes réponses. Bravo! Merci! Hey, c'est mieux que ton Web 2.0 contre Star Wars de tantôt. Ouais, ben, c'est, j'ai eu au moins 60%. J'aurais passé au secondaire, tu sais. C'est vrai que t'es pas si pégé. Ça t'aurait eu un C. Donc, ROB, donc, ça c'était le robot qui était vendu comme accessoire à la NES. Les jeux, donc, Giromite, qui étaient inclus avec chaque ROB, qui était le Robotic Operating Body, qui est sorti en 1985 aux États-Unis sous le nom de ROB et au Japon en 1984 sous le nom de Famicom Robot. L'autre jeu, c'était Stack Up, qui était vendu séparément. Okay. Ça m'a fait bien rire. Hein. Il y en a tellement eu des gadgets comme ça. Là. C'est comme le beau Virtual Boy que j'ai jamais pogné. Là. Ça, j'aimerais ça en avoir un, par exemple, un Virtual Boy. Vraiment, si je peux m'en procurer un, je le ferais, c'est certain. C'était là. C'était beau. C'était rouge et noir. 3D rouge et noir avec des arêtes. Il y a aussi le Galbadia Hotel. On va y aller plus rapidement là-dessus, mais peut-être que dans les prochaines semaines, je pourrais vous faire entendre quelques affaires qui viennent de ce site-là s'il n'est pas retiré du web. Parce que c'est un site très underground, mais a été publicisé par Kotaku, qui est un site de jeux vidéo. Galbadia Hotel, c'est un site qui héberge pratiquement toutes les trames sonores de jeux vidéo que vous pouvez connaître, n'importe quoi. Je vais aller sur le site, vous en lire quelques-uns, voir si ça pourrait fonctionner, si le site n'est pas surchargé de... Il y a des trames sonores comme Killzone, Battle Realms, Phantasy Star Online, Duke Nukem, Beatmania, DuckTales, un paquet d'autres jeux. Regarde-moi ça, la liste, comment elle n'est pas super longue, dans le fond. Oh, quand même. Quand même moyennement longue, là, mais bon. Il y a même Mickey Mouse Cupid. Oh! Ouais, on va-tu aller chercher ça? C'est classique. C'est au gh.ffshrine.org, mais le site beaucoup plus facile, c'est le cnx.ca, n'est-ce pas? Ils ont gagné ça encore des concours, des vieux jeux comme ça. Qu'est-ce que ça? Ben, je sais pas, là, des concours genre, moi je te défie à Punch-Out, on fait une soirée, on invite 50 personnes. Pis, on fait ça? On serait excellent. Ça. On pourrait faire ça ici à la chasse. Ici. À un moment donné. À la chasse, on pourrait enregistrer. Je pourrais vous montrer c'est quoi la vie, tu sais. On pourrait faire une édition CNX en direct de la chasse puis organiser un gros party de Punch-Out. Exact. Oh, qu'on devrait organiser ça. Ça serait juste pas juste parce que moi j'ai joué une fois par année depuis 20 ans, tu sais. T'as juste à te battre contre des gens de ton calibre, c'est-à-dire ouais. Des gens qui ont pas trop joué depuis les 10 ans, tu sais. Hein, Dave? Oh, burn! Oui, oh, yeah. Puis après ça, on pourrait faire, par exemple, un concours Day of Defeat, ça, j'aimerais ça. Le jour des pieds? Oui. On pourrait montrer c'est quoi. Non, mais de toute façon, c'est quoi vivre le joueur des jeux vidéo, là? En même temps. Excusez-moi, là, mais... monsieur fait son grand prophète. Poche, je suis pas correct de dire ça. Il nous reste même pas 2 minutes, on va y aller rapidement avec un dernier sur l'écran de votre radio. C'est très très simple. C'est quelqu'un qui entre dans une bibliothèque habillé en Pac-Man et qui se fait courir après par un fantôme de Pac-Man. C'est super cool. Le gars, il court dans une bibliothèque. J'ai déjà vu. T'as déjà vu ça? C'est vieux, ça date de plein d'années, en tout cas. Je trouve ça vraiment drôle quand même. Attends, on va le voir courir. Je vais le voir courir. Il arrive dans la bibliothèque. Ah, c'est ça. Il crie vraiment, il fait... Il mange des enfants! Il mange des enfants! C'est raciste! C'est vraiment, vraiment le fun. On le voit mieux, un petit peu plus loin dans le show. Allez voir le... Ça a vraiment aucun rapport, mais c'est super drôle quand même. Je trouve ça vraiment bien. Ils doivent s'être fait arrêter, d'après moi. Je sais pas. En même temps, ils l'ont laissé faire. C'était drôle. En même temps, c'est ce que je me dis. Il nous reste 2 minutes même pas pour parler de ça. Regardez l'image à l'écran, à la maison. Regardez sur l'écran de votre radio. C'est une photo, OK? Non, c'est pas une photo. C'est du 3D. Ça a-tu l'air vrai ou pas, ça? Je pensais que c'était une photo de ta cuisine. Mais c'est pas une photo de ma cuisine, c'est du 3D. Oh, c'est ouais. Malade. On dirait vraiment une photo, là. On dirait, parce que... vraiment. Regarde les toilettes. Regarde les toilettes, comment ils ont l'air vrai. Allez voir cnx.cf.ca pour voir ça. Ça n'a pas de bon sens. C'est magnifique. Et on a tout le temps. Ah, il nous reste même 30 secondes, mettons, pour regarder une vidéo. Un nouveau robot. Je suis encore un petit peu en retard là-dessus. Mais ça s'appelle le Big Dog Robot, je crois. C'est un robot qui grimpe des arbres. C'est vraiment trop cool. Ça pouvait se télécharger. On va le voir ici. OK. À ce son-là, on dirait plutôt qu'il coupe. La vidéo marche pas. J'ai ça. Cet ordi-là marche jamais. En tout cas, allez voir les deux vidéos. Un, c'est un robot qui grimpe des arbres. Tandis que l'autre, c'est un robot que tu peux le frapper puis il tombera jamais. C'est vraiment trop hot. Le robot, tu le frappes. C'est un robot pour les militaires, OK? C'est vraiment, vraiment cool. En tout cas, c'est dommage. On n'a pas le temps pour ça. Tu sais, c'est plate en même temps, t'sais. En même temps, tu sais. C'est ce que je me dis en même temps. C'est hein? Plate, la vidéo, ou t'as pas le temps? Non, que j'ai pas le temps. Bien sûr. Bien sûr, la vidéo sera jamais plate. Pourquoi est-ce que je ferais des choses plates ici à CNX? OK. Donc, on remercie en même pas 30 secondes. Je remercie Jesse Minette et Dave Leblanc. On vous retrouve dans l'émission Funky Torch les jeux du soir. C'est bientôt. C'est un plaisir. C'est un plaisir de vous avoir. Probablement de lundi et mercredi matin, je vais avoir une émission. Mais on va voir. On verra ça, Jesse Minette. Merci, David. Même pas. T'as 5 secondes, Max. Un petit spécial Beastie Boys ce soir pour ceux qui ne savent pas qu'ils ont déjà fait du funk. Funky Torch, jeudi 18h. Merci d'avoir écouté. Faites attention à vos genoux. Bonne journée et bonne chance. Restez là pour Vis-à-vis le mardi ou encore Pure Laine le jeudi. Au revoir. Ah non, on va me couper.